88, le 14, j'arrive dans la vie. Mes remparts m'ont donné, il manquait juste les remparts. Pour que ce petit gosse n'ait pas les rêves qui se remplacent par des cauchemars qui restent pendant que les gens parlent. Les grands partent, mais des jeunes aussi, man. Si Dieu existe, mais pourquoi allons-nous si mal? Il reste que des regrets et une large tristesse. Un père absent, une sœur que j'aime et une mère qui stresse. Je suis pas le plus à pas, je sais bien, c'est quand même grave. Que j'ai pu me dire, c'est ce soir que la mort m'emmènera. Pour ce parti, sans doute trop tôt. Repose en paix pour se rester, si de moi tu l'accepterais fort poteau. Les anges pleurent et le temps passe. Rien n'y fait, les cicatrices restent en place. Les heures sont longues et les larmes coulent. Sache que craquer est normal dans nos parcours. J'avais des projets, il n'en reste rien. Depuis que mon bonheur m'est été restreint. En hommage à ce que la vie tue. Dépressif j'en parle, moi j'en ai l'habitude. Scared of death, scared of love, they shook. I got you stuck, I got you stuck off the rails. Scared of death, scared of love, they shook. Or the next rhyme I write might be about you. You don't know. Scared of death, scared of love, they shook. You're minor, we major. L'avenir j'y croyais pas dur comme fer. J'ai vite compris qu'ici y avait pas de fort comme de faible. Juste des images que les gens se donnent. Histoire d'y croire un peu comme une étrange mode. L'espoir comme l'amour est mort, j'ai tout perdu. Il me reste que des remords qui le soir me perturbent. Pour aller mieux demain j'écris, c'est ma thérapie. Le seul problème c'est que je me souviens me l'avoir déjà dit. Les anges pleurent et le temps passe. Rien n'y fait, les cicatrices restent en place. Les heures sont longues et les larmes coulent. Sache que craquer est normal dans nos parcours. J'avais des projets, il n'en reste rien. Depuis que mon bonheur m'est été restreint. En hommage à ce que la vie tue. Dépressif j'en parle, moi j'en ai l'habitude. Les grands partent, mais des jeunes aussi, man. Si Dieu existe, mais pourquoi allons-nous si mal? Il reste que des regrets et une large tristesse. Un père absent, une sœur que j'aime et une mère qui stresse. Je suis pas le plus à plat, je sais bien, c'est quand même grave. Que j'ai pu me dire, c'est ce soir que la mort m'emmènera. Pour ce parti, sans doute trop tôt. Repose en paix pour se rester, si de moi tu l'acceptes, reste fort poteau.